m'assouvir, je vais vous le dire, mais ne vous foutez pas de ma gueule. Y'a rien de sexe, y'a rien de vraiment malsain, juste un drôle de truc qui me hante depuis des années. Cette irrésistible envie de prendre un bain. Salade. Non, pas de salade.